écouter au mieux si tout le monde dort et laisser traîner le temps. Ouvrir les bruits, couler le silence quand on s'enfuit pour tenter sa chance et laisser traîner. Écouter au mieux si tout le monde dort et...